conjuration tramée contre lui. Disposition du peuple. Les conjurés, craignant d'être obligés de donner leur assentiment à cette proposition, y virent une raison de hâter l'exécution de leur entreprise. Ils se réunirent donc tous et mirent en commun des résolutions jusqu'alors distinctes et qui n'avaient été conçues que dans des réunions de 2 ou 3 personnes. Le peuple même était alors mécontent de la situation de l'État. Il laissait voir en toute occasion sa haine pour la tyrannie et demandait des libérateurs. Quand César admit des étrangers au Sénat, on placarda l'affiche. À tous, salut, que personne ne montre au nouveau sénateur le chemin du Sénat. On chanta aussi dans les rues de Rome. Après avoir triomphé des Gaulois, César les fait entrer à la curie. Les Gaulois ont quitté leur braie pour prendre le laticlave. Au théâtre, le licteur ayant annoncé, selon l'usage, l'entrée du consul Quintus Maximus, que César avait nommé suppléant pour 3 mois, on lui cria de tous côtés qu'il n'était pas consul. Après la destitution des tribuns, Cézétius et Marullus, on trouva à la première assemblée des comices beaucoup de bulletins qui les nommaient consuls. On écrivit sous la statue de Lucius Brutus « Plutôt Dieu que tu vécus » et sous celle de César « Brutus, pour avoir chassé les rois, a le premier été fait consul. Cet homme, pour avoir chassé les consuls, a finalement été fait roi. » Le nombre des conjurés s'élevait à plus de 60. Gaius Cassius et les 2 Brutus, Marcus et Decimus, étaient les chefs. Ils délibérèrent d'abord, si divisant leurs forces, les uns le précipiteraient du pont pendant les comices du Champ de Mars et au moment où il appellerait les tribus au suffrage, tandis que les autres l'attendraient en bas pour le massacrer, ou bien s'il l'attaquerait dans la voie sacrée ou à l'entrée du théâtre. Mais une réunion du Sénat ayant été annoncée pour les ides de mars, dans la curie de Pompée, ils s'accordèrent tous à ne point chercher de moment ni de lieu plus favorable.